Chapitre 37e. La corbeille au vieux papier. « À qui est ce franc que je trouve sur mon bureau ?» demandait M. Ashley à Samuel Lynn un matin vers la fin de l'été. « Je ne puis pas te le dire, je ne le sais pas, » répondit le Quaker. « Il n'est pas à moi que je sache. À qui est cette pièce d'un franc sur le bureau du patron ?» répéta Samuel Lynn à William quand il retourna dans sa chambre. « J'ai mis un franc ce matin sur le bureau, » répondit William. « Je l'ai trouvé dans la corbeille au vieux papier. » « Alors va le dire au patron. » William obéit. « Le franc a roulé de la corbeille au papier, monsieur, » dit-il en entrant à la caisse et en s'approchant de M. Ashley. M. Ashley était remarquablement exact dans ses comptes. Aucune pièce ne lui avait manqué. « Comment ce franc se trouverait-il dans la corbeille » demanda-t-il. « Il l'aura roulé de votre poche. » William sourit. « Un franc roulé de sa poche. Oh non, monsieur. » M. Ashley regardait attentivement William, du moins à ce que le jeune garçon se figurait. Au fond, le patron réfléchissait, mais William se sentait mal à l'aise et ses joues rougissaient. Pour quelle cause rougissait-il? La voici. Depuis la mort de Jenny quelques mois auparavant, la gêne avait régné plus que jamais dans le ménage. La famille n'avait bien souvent que du pain, du lait et des pommes de terre pour toute nourriture. Le soir précédent, Jane avait eu une violente migraine. Du thé lui aurait fait du bien, mais elle n'avait pas d'argent et elle était bien décidée à ne rien acheter à crédit. Ce même matin, William, en descendant, trouve sa mère à l'ouvrage. « Elle souffrait moins, » lui assura-t-elle. « Elle serait même tout à fait bien si elle pouvait prendre une tasse de thé, mais il n'y fallait pas songer. » William partit, souhaitant ardemment, comme il aurait pu souhaiter la lampe d'Aladin, d'avoir un franc à lui. Quand, une demi-heure plus tard, la pièce roula hors de la corbeille, la tentation, non pas de la prendre, mais de désirer pouvoir la prendre, traversa son esprit. Il la posa sur le bureau et se détourna, le front lui brûlait les doigts. Ce souvenir l'avait fait rougir sous le regard de M. Ashley, qui s'en aperçut. « Pourquoi rougissez-vous ? » Cette question couronna le tout, le rouge prit la teinte du cramoisi. M. Ashley était surpris. Il en conclut qu'il y avait quelque mystère attaché à cette pièce. « Pourquoi avez-vous l'air confus ? » répéta-t-il. « C'était seulement à cause d'une pensée, monsieur. »« Laquelle ? Dites-la-moi. » William hésitait. « J'aimerais mieux ne pas vous la dire, monsieur. »« Mais j'aimerais mieux la savoir, moi. » M. Ashley parlait tranquillement, mais il y avait dans sa voix un certain commandement. Les jeunes Halliburton avaient été habitués à l'obéissance la plus absolue. M. Ashley était le maître, il fallait lui obéir. William ne faisait jamais les choses à moitié. « Quand j'ai trouvé cette pièce, monsieur, » dit-il, « j'ai désiré qu'elle fût à moi, que je puisse la prendre sans faire de mal. » « Je n'ai pas eu la pensée de la prendre, » ajouta-t-il en levant franchement les yeux sur M. Ashley. « Seulement, j'aurais voulu que ce ne fût pas mal de la prendre. Quand vous m'avez regardé, monsieur, il me semblait que vous aviez lu mes pensées. »« Avez-vous jamais pris de l'argent qui ne nous appartenait pas ?» demanda M. Ashley après une pause. William eut l'air surpris. « Non, monsieur, jamais. » J'ai connu des enfants qui prenaient souvent des pièces d'argent à leurs parents et ne le regardaient pas comme un crime. Le jeune garçon secoua la tête. « Ma mère nous a élevés autrement, monsieur. L'argent pris de la sorte ne porte pas bonheur. Pourquoi croyez-vous cela ? Ma mère nous a appris qu'une mauvaise action finit toujours par être punie. Je suppose que vous souhaitiez ce franc pour des billets ou des friandises. Oh non, monsieur, ce n'était pas pour moi. Alors pour qui ? Pourquoi ? » William rougit de nouveau. M. Ashley, à force de le questionner, finit par apprendre tous les détails. « J'ai appris que vous aviez eu beaucoup de privations, » continua-t-il. « C'est vrai, monsieur, mais ma mère dit que l'avenir nous réservera de meilleurs jours, si nous supportons patiemment ce moment-ci, et nous pouvons bien le faire, puisqu'elle le fait, et elle a plus de peine que nous. » M. Ashley fit une nouvelle question. « Avez-vous jamais été tenté, quand vous étiez dans la chambre et aux œufs, d'en emporter quelques-uns ? » Un éclair de colère passa sur la figure de William. L'instant d'après, ses yeux se remplirent de larmes. « Non, monsieur, j'espère que vous ne m'en croyez pas capable. »« Non, » dit M. Ashley, « votre père était pasteur, à ce que je crois. »« Il devait l'être, monsieur, mais il n'a pas pu aller à l'université. »« Son père était pasteur dans le Devonshire, et le père de ma mère était pasteur à Londres. »« Mon oncle Francis est aussi pasteur. Nous sommes bien élevés, quoique nous soyons pauvres. »« Nous ne prendrions pas des œufs. » M. Ashley réprima un sourire. « J'en conclus que vos frères et vous nourrissiez l'espoir de regagner un jour votre position. Oui, monsieur, c'est cet espoir qui nous fait si bien supporter les privations. Que pensez-vous devenir ? La figure de William s'obscurcit. Je n'avancerai pas comme mes frères, moi. Franck et Gare ont de l'avenir. Moi, je ne vois pas bien loin devant moi. Mais en aidant ma mère, je fais mon devoir. Cela me suffit. Votre sœur est morte d'un dépérissement, reprit M. Ashley. Ses privations ont dû la faire souffrir. Les traits de William s'éclaircirent. Elle a eu tout ce dont elle a eu besoin, monsieur, jusqu'à du vin de Bordeaux. Madame Rice et Dobbs l'aimaient beaucoup et ils n'ont jamais laissé manquer de rien. Maman dit que la manière extraordinaire dont Jenny a été soignée de nous apprendre que certainement Dieu veille sur nous et que toutes les choses qui nous sont indispensables nous seront accordées. Quelle confiance en Dieu ce garçon me paraît avoir, se disait M. Ashley après avoir envoyé William. Madame Halliburton est bien une mère entre mille, et son fils aussi deviendra un homme remarquable, ou je me trompe fort, franc, ouvert, candide, je ne connais point comme lui. 5 minutes avant que la grande cloche d'une heure retentît, William fut rappelé à la caisse. « Je viens de refaire mes comptes et j'ai vu qu'il me manquait un franc, » lui dit M. Ashley. « C'est sans doute la pièce que vous avez trouvée. Je vous la donne en récompense de votre franchise. » William prit le franc. « Il y en a deux, » s'écria-t-il avec surprise. « Vous ne pourriez pas avoir beaucoup de thé avec un franc. »« Aimeriez-vous être apprenti ?» continua M. Ashley en arrêtant les expressions de reconnaissance de William. La question prit William à l'improviste. Il ne savait que répondre. « Aimeriez-vous les affaires ?» poursuivit M. Ashley. « Oui, monsieur, beaucoup, maintenant que j'y suis accoutumé. Mais je ne pourrai jamais devenir patron. Nul ne sait où vous pourriez en arriver avec de la persévérance. Les maîtres ne commencent pas par le sommet de l'arbre, mais bien par le pied. Du moins la plupart. En devenant apprenti, vous occuperiez dans la manufacture une place supérieure à celle que vous avez maintenant. Joe Stubbs est un apprenti, n'est-ce pas, monsieur ? Je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne comprenez pas. Joe Stubbs est apprenti dans une branche des affaires, John Braithwaite dans une autre, etc. Ces garçons resteront ouvriers toute leur vie. Vous n'apprendriez pas une seule branche, vous, mais toutes, dans le but de devenir directeur et patron plus tard, tout comme je prendrais mon fils s'il devait entrer dans les affaires. La proposition séduisait William. Tout à coup, sa figure s'assombrit. Qu'avez-vous donc ? Demanda M. Ashley. J'ai entendu dire, monsieur, que les ouvriers ne gagnaient rien en commençant. J'ai peur qu'à la maison, on ne puisse pas se passer de mes gages. Ne vous inquiétez pas de ce que vous entendez dire, ou de ce que gagnent ou ne gagnent pas les autres. Je vous donnerai 10 francs par semaine au lieu de 5, et vous aurez également vos soirées libres. Si les parents de votre mère vous offraient une place plus avantageuse, je ne mettrai pas obstacle à votre départ. Me comprenez-vous ? Oh oui, monsieur, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez en parler à Madame Halliburton et savoir quels seraient ses désirs, acheva M. Ashley. Le résultat de cette conversation fut que William entra en qualité d'apprenti chez M. Ashley. Je puis t'assurer que tu as gagné la faveur du patron, dit Samuel Lina William. Il t'a pris pour apprenti et il t'admet dans la société de son fils. Ce sont des preuves qu'il te juge favorablement. Fais en sorte de le mériter. William, en effet, voyait Henry Ashley, qu'il avait pris en amitié et le faisait venir pour lui donner des répétitions de latin. Le premier apprenti qui entra après William chez Ashley fut Cyril Dare. Mais quand il sut qu'il allait être le compagnon de William Halliburton, qu'il serait sur le même pied que lui, sauf pour les gages dont il devrait se passer en commençant, M. Cyril fut indigné et se plaignit amèrement à M. Dare. « Mon père, lui demanda-t-il, ne pourriez-vous pas parler à M. Ashley ? À quoi cela servira-t-il ? Personne n'ose se mêler des affaires de M. Ashley. Si l'un de vous devait quitter, ce serait toi, Cyril. Compte-y. » Cyril grommela. Il s'était flatté d'être le seul apprenti comme il faut de M. Ashley, parce qu'il y avait une différence tranchée entre les apprentis ordinaires et ceux dont William Halliburton faisait maintenant partie, au grand déplaisir de Cyril.